Avadhuta Gita, chapitre 3, immortalité. La distinction avec et sans qualité n'existe pas en lui. Il se situe au-delà de l'attachement et du détachement. Pur, il transcende toutes les formes. Il se situe au-delà des qualités et de l'absence de qualité. Bien que sans forme, il est la substance de toutes les formes. Alors, comment puis-je vénérer ce Shiva qui existe partout, comme l'espace? Shiva n'est ni blanc, ni jaune, il est incolore. Ce suprême Shiva est à la fois la cause et l'effet. En vérité, je me situe au-delà du processus de pensée. Je suis Shiva. Alors, dis-moi, ami, comment inclinerai-je le soi devant le soi? Je ne suis ni sans, ni avec commencement. Ni caché ou non, ni illuminé ou non. Je suis un soleil qui ne se couche jamais. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je suis sans et avec désir. Comment dire? Sans et avec attachement. Comment dire? Sans substance et substantiel. Comment dire? Je suis connaissance nectarine. Félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je ne peux être divisé, et pourtant, je suis présent dans chaque forme distincte. Comment le dire? Je suis divisé, et pourtant, en tout. Comment le dire? Je suis éternel et non éternel, simultanément. Comment le dire? Je suis connaissance nectarine. Félicité immuable, je suis partout, comme l'espace. Je ne suis ni grossier, ni subtil. Je ne vais, ni ne viens. Je n'ai ni commencement, ni milieu, ni fin. Je ne suis ni grand ni petit. Je dis là tous les secrets de la réalité suprême. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Sache que tous les organes sensoriels sont composés de vide. Sache que tous les objets sensoriels sont similairement vides. Sache que je suis l'unité pure. Je ne suis ni attaché, ni libre. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je suis au-delà de l'intellect, inaccessible à l'intellect qui ne peut m'atteindre. Je suis au-delà de la vision, inaccessible à la vision qui ne peut m'atteindre. Je suis au-delà de la forme, inaccessible à la forme qui ne peut m'atteindre. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je n'ai aucun karma. Je suis le feu sacrificiel où tous les karmas se consument. Je n'ai aucun chagrin. Je suis le feu sacrificiel où tous les chagrins se consument. Je n'ai aucun désir. Je suis le feu sacrificiel où tous les désirs se consument. Je suis connaissance nectarine. Félicité immuable, je suis partout, comme l'espace. Sans péché, je consume tous les péchés. Je suis le feu sacrificiel. Sans devoir, je consume tous les devoirs. Je suis le feu sacrificiel. Sans attache, je consume toutes les attaches. Je suis le feu sacrificiel. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je me situe au-delà de la non-existence et de l'existence, sans lien avec moi. Je me situe au-delà de l'union et de la séparation, sans lien avec moi. Je me situe au-delà de l'inconscience et de la conscience, sans lien avec moi. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout. Comme l'espace. Je n'oscille jamais entre attraction et répulsion, jamais imaginée. Je n'oscille jamais entre bonheur ou malheur, jamais imaginée. Je n'oscille jamais entre passion ni absence de passion, jamais imaginée. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. La vigne grimpante de l'existence matérielle ne peut nullement m'affecter. Le contentement et les plaisirs, quel que soit leur nombre, ne peuvent nullement m'affecter. L'esclavage de l'ignorance, ce monde de l'apparence, ne peut nullement m'affecter. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable, je suis partout, comme l'espace. Le tumulte mondain n'a pas d'impact sur moi. La souffrance n'a pas d'impact sur moi. Le plaisir de la vertu n'a pas d'impact sur moi. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Ni les troubles, ni les peines, ni les plaisirs, n'ont d'impact sur mon intellect. Ni des difficultés relevant du yoga ne peuvent avoir d'impact sur mon esprit. Tout ce qui pourrait émouvoir l'ego ne peut pas m'affecter du tout. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Fini, résolution et irrésolution. Je n'imagine même plus penser. Fini, l'état de veille et l'état de rêve. Je ne dors ni ne veille. Ni animation, ni absence d'animation. Je ne suis ni mobile, ni immobile. Je suis connaissance nectarine. Félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je ne suis pas celui qui connaît, ni quelque chose à connaître, ni la cause de la connaissance. Je transcende les domaines du langage, du mental et de l'intellect. Comment la réalité ultime pourrait-elle jamais être décrite par des mots? Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Au-delà de la division et de l'indivision, je suis la réalité absolue, ni dedans, ni dehors. Comment cela pourrait-il être? Je suis la réalité absolue. Jamais créé, je ne suis pas un objet substantiel. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Au-delà des chagrins de l'attachement, je suis l'unique réalité. Au-delà des coups du sort, je suis l'unique réalité. Au-delà des peines de l'existence matérielle, je suis l'unique réalité. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Puisque je ne suis pas les trois premiers états mentaux, à savoir l'état de veille, le rêve et le sommeil profond, comment pourrais-je être le quatrième, l'état de samadhi? Puisque je ne suis aucun des trois types de temps, à savoir le passé, le présent et le futur, comment pourrais-je être un quatrième? Je suis la source de la sérénité. La sérénité primordiale, la réalité absolue. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Des termes comme court ou long ne s'appliquent pas à moi. Des termes comme fin ou épais ne s'appliquent pas à moi. Des descriptions comme angulaire ou circulaire ne s'appliquent pas à moi. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Ni père, ni mère, ni fils, ni fille n'ont jamais été miens. Ni la naissance, ni la mort, ni le mental n'ont jamais été miens. Toujours inébranlable et stable, je suis la réalité absolue. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Ma nature est infinie et transcende les distinctions comme la pureté et l'impureté. Ma nature est infinie et transcende les distinctions comme l'attachement et le détachement. Ma nature est infinie et transcende les distinctions comme la division et l'indivision. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Comment le dieu Brahma et tous ses serviteurs pourraient-ils vivre là? Comment la cité céleste et tous ses habitants pourraient-ils vivre là? Ma forme unique est indéfectible. Je suis la réalité absolue. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Comment pourrais-je parler de l'un immaculé, à la fois ceci et pas ceci? Comment pourrais-je parler de l'un immaculé, support sans support du tout? Comment pourrais-je parler de l'un immaculé, sans genre et avec genre? Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je suis toujours le suprême, actif ou inactif. Je suis la plus haute félicité, au-delà de l'attachement et du détachement. Je suis félicité éternelle, au-delà de toutes les formes et du sans-forme. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Ce monde illusoire de Maya ne m'affecte pas. Ni la malhonnêteté, ni la duperie des hommes ne m'affectent. Ni la justesse, ni la fausseté de leur langage ne m'affectent. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Au-delà des différences du jour et de la nuit, je ne puis être séparé en partie. Je ne m'éveille jamais en moi-même, n'étant jamais non éveillé. Jamais mu par aucune pensée, je n'essaye jamais de me purifier. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Je ne suis ni le Seigneur, ni ne le suis pas. Je suis le soi sans forme. Je suis au-delà de la présence ou de l'absence d'esprit. Je suis le soi sans forme. Sache bien que je suis libre de toute chose, étant le soi sans forme. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. je suis une demeure de vacuité. Que dire? Je fais tout, sans toutefois rien faire. Que dire? Je suis toujours égal. Je suis le soi sans forme. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Au-delà d'être une âme ou non, je resplendis toujours. Au-delà d'être une cause ou non, je resplendis toujours. Au-delà du nirvana et de la servitude, je resplendis toujours. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Non limité par un commencement, toujours je resplendis. Non limité par le jeu ou par la pièce qui se poursuit toujours, je resplendis. Non limité par la destruction de l'ensemble, toujours je resplendis. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Quoi que l'on puisse t'invoquer, tu n'as ni nom, ni forme. Que tu sois divisé ou indivis, rien d'autre ici que toi. Ô mental dévergondé et vagabond, pourquoi tant te fatiguer? Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Pour toi, il n'y a ni vieillesse, ni mort. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Pour toi, pas d'affre de la naissance. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Rien ne peut t'affecter. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu, ami? Tu n'as pas de forme appropriée. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu, ami? Tu ne peux pas être défiguré. Pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu, ami? Jamais tu ne pourras vieillir. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Tu ne pourras jamais perdre ta jeunesse. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Tu ne pourras jamais perdre l'esprit. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami? Tu ne possèdes pas d'organes sensoriels. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Pourquoi pleurer et te lamenter, ami, puisque la convoitise ne peut t'affecter? Pourquoi pleurer et te lamenter, ami, puisque l'avidité ne peut t'affecter? Et pourquoi pleurer et te lamenter, ami, puisque l'engouement ne peut t'affecter? Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Comment peux-tu avoir soif de richesse, toi qui n'es chargé d'aucun bien? Comment peux-tu avoir soif de richesse, toi qui n'as aucune femme à nourrir? Comment peux-tu avoir soif de richesse, toi à qui rien ne peut appartenir? Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Toi et moi, nous ne sommes pas attachés à ce monde de formes éphémères. C'est seulement le mental effronté qui sépare l'un en partie. Division et non-division sont identiques pour toi et moi. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Ta nature ne contient même pas une once de détachement. Ta nature ne contient pas plus un peu de passion. Ta nature ne contient même pas un peu de désir. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Il n'y a pas d'objet d'adoration dans ton cœur, ni dans l'état de samadhi. Il n'y a pas d'objet d'adoration dans ton cœur, ni dans le monde objectif. Il n'y a pas d'objet d'adoration dans ton cœur. Je suis au-delà du temps et de l'espace. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout. Comme l'espace. Je t'ai dit tout ce qui constitue le cœur même de la vérité. Il n'y a ni toi, ni moi, ni être supérieur, ni disciple, ni gourou. La nature de la réalité suprême est simple. Et d'une évidence qui va de soi. Je suis connaissance nectarine, félicité immuable. Je suis partout, comme l'espace. Comment la réalité suprême pourrait-elle être de la nature du bonheur ou de l'absence de bonheur? Comment la réalité suprême pourrait-elle posséder savoir ou ignorance? Si ce suprême je suis est l'existence unique, il est partout, comme l'espace. Comprends qu'il n'est ni feu, ni air, réalise l'un. Comprends qu'il n'est ni terre, ni eau, réalise l'un. Comprends qu'il ne va ni ne vient, réalise l'un. Comprends qu'il est comme l'espace, omniprésent, réalise l'un. Ma nature n'est ni vacuité, ni plénitude. Ma nature n'est ni pure, ni impure. Je ne suis ni avec, ni sans forme. je suis la réalité suprême, et ma nature est uniquement la mienne. Renonce. Renonce au monde de l'apparence. Et puis, renonce même au renoncement. Mais, que tu renonces ou non, gorge-toi du nectar de ton état naturel.